arrivé, j'ai caché le joujou. Dangereux comme la voisine qui fait du vaudou. J'ai roulé la Californienne, je tiens plus debout. Qu'est-ce que tu veux, ma bite, mon cœur, une paire de loups. J'arrête la bibi, maman, je suis grillé. Trois flics dans la sacoche, quand je vais chez Gucci. J'arrête la bibi, maman, je suis grillé. Si je sors le barillet, pour toi c'est bon billet. Je vois pas que les feux sont rouges, aveuglé par le bénef. Elle est kilométrée, elle voudrait que je la préserve. C'est ce que je te réserve, les prochains font pas mieux. Je récupère scalab que des suites dans le panier. Shooter comme Manu Lecoq, c'est mauvais rock, t'as endossé. Tu fais le gros pour plaire aux tasses, c'est pour nous que t'es en train de bosser. Waouh, la mort en poudre qu'on conditionne, c'est relou. Personne n'est plus rien m'impressionne. C'est qu'une chose, je peux pas te marier. Tu vas à la si le gamin s'est rayé. J'ai fait le buzz, traîne au quartier. Y'a pas que les hommes de poing qu'on s'est manié. DJ Spice sous la LV, j'ai caché le joujou. Dangereux comme la voisine qui fait du vaudou. J'ai roulé la Californienne, je tiens plus debout. Qu'est-ce que tu veux, ma bite, mon cœur, une paire de loups. J'arrête la bibi, maman, je suis grillé. Trois flics dans la sacoche, quand je vais chez Gucci. J'arrête la bibi, maman, je suis grillé. Si je sors le barillet, pour toi c'est beau billet. Petit trapu comme un Weather, nerveux comme un deux-temps. Si je sors le bois caché sous la LV, ça devient embêtant. Cocaïne entourée de plastique, t'es pas des notes, t'as pas de cash. Au quartier, elle dit que c'est ma rap clean. Depuis que j'ai niqué dans le 4-4. Wow. On gère le biz, comme au Mexique. À 2,50 sur le périph, on prend la mort et ça t'excite. Gros gens de peuple, je suis matrixé. Que de l'espèce dans le disco arène. Des trafiquants, pas de magicien. Mais ton corps, on peut le faire disparaître. C'est qu'une chose, j'peux pas te marier. Tu vas à la si le gamin s'est rayé. J'ai fait le buzz, j'traîne au quartier. Y'a pas que les armes de poing qu'on s'est manié. DJ Spice sous la LV, j'ai caché le joujou. Dangereux comme la voisine qui fait du vaudou. J'ai roulé la Californienne, je tiens plus debout. Qu'est-ce que tu veux, ma bite, mon cœur, une paire de loups. J'arrête la bibi, maman, j'suis grillé. Trois flics dans la sacoche, quand j'vais chez Gucci.